Leçon 4, page 60, activités 2 et 3, piste 50. Regarde ces deux fillettes. Elles sont petites. Mais oui, très petites, papa. Elles s'appellent Nicole et Aléa, c'est ça? Non, non. Elles s'appellent Alice et Sophie. Elles sont de Nice? Mais non, papa. Alice est de Paris, Sophie est de Lyon.